combien de tempo là? Ça coupe. C'est serveur qui marche pas ou quoi? Ça s'arrête pas, ça s'arrête pas de se couper. Alors ma cousine, c'est ça que tu me demandes. Elle s'appelle. Attends, je vais enlever la. Excuse-moi. Voilà. Allô, allô, check, check, 1, 2, 3. En plus, j'ai un cordon qui marche pas. Il va falloir que je le foute un peu. Oh, attends. J'ai un cordon qui marche pas bien. Tu vois? Excuse-moi, je... 1, check, cordon, hors service. Elle s'appelle Esther Nouri, comme moi. Moi, c'est Benjamin Nouri. Tu vas... Bah, j'ai essayé de te mettre un lien, d'ailleurs, mais ça n'a pas dû marcher fort. Attends. Elle a un YouTube, mais elle s'en fout, je crois. Elle est pas très technologie. Mais elle chante bien. C'est pas parce que c'est ma cousine, mais je chante bien. J'aurais fait écouter. Tu le trouveras bien, tu tapes Esther Nouri. Esther, prénom biblique. On a tous eu des prénoms bibliques dans la famille. Putain, ça m'a endormi cette musique. En plus, y'a personne cet après-midi. Panique, il est sur le demi-50. Ah, faut que je change le cordon, c'est nul.